les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comment cacher la joie que cette biographie d'André Bazin par Dudley Andrew m'a donnée? J'ai lu ce livre comme un roman dans lequel je savais que tout était vrai. Bien qu'il n'y ait pas eu énormément d'événements dans la trop courte vie d'André Bazin, c'était, vous le découvrirez, une personnalité, un personnage. On peut tout à fait imaginer une fiction développée autour de ce personnage de Bazin, un homme célèbre par sa bonté. C'était ce que François Truffaut écrivait dans la préface de la traduction française de la biographie d'André Bazin, écrite par l'universitaire américain Dudley Andrew, qu'éditaient conjointement en 1983 les Cahiers du cinéma et la Cinémathèque française. Dans le cinéma des cinéastes, à l'occasion de cette parution, Claude Jean-Philippe et Caroline Champetier recevaient Jean Narboni, qui en avait été à l'initiative, alors que les Cahiers du cinéma se préparaient à rendre hommage à André Bazin, 25 ans après sa disparition. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût. Voilà une émission que je n'ai pas hésité une seconde à faire. Dès que j'ai eu entre les mains l'envoi du livre qui s'intitule André Bazin par Dudley Andrew, qui est un Anglais ou un Américain, Jean Narboni. C'est un Américain dans la collection Cahiers du cinéma, Cinémathèque française, dirigée par Jean Narboni, ici présent. Alors nous sommes trois, Caroline Champetier, Jean Narboni et moi. Donc des gens que vous avez déjà entendus très souvent depuis que le cinéma des cinéastes existe. Et nous avons évidemment très très envie de profiter de l'occasion de ce livre pour parler d'André Bazin, mais aussi parce que ce livre, j'avoue l'avoir dévoré absolument en une soirée samedi soir, parce que ça se lit réellement comme une histoire, comme un roman. C'est la force des biographies. Et André Bazin, qui nous paraissait un personnage très émouvant par son existence si courte, puisqu'il est mort en 1959. 58, et 58. Le 5e anniversaire de sa mort. C'est ça. Eh bien, on le voit revivre ses 40 années. Enfin, finalement, il n'aura vécu que 40 ans, quoi. Et c'est un personnage qui a tout pour nous attacher, pour nous séduire, par son extraordinaire intelligence et par son talent d'écrivain. Et en même temps, qui nous parle absolument aujourd'hui, et la preuve en est que Caroline Champetier, qui est à mes côtés et qui a 20 ans de moins que moi, est aussi passionnée que moi par les écrits critiques et théoriques d'André Bazin. Alors bon, Jean Narboni, comment s'est passé pour toi, directeur de cette collection, le projet de publier la traduction française de ce livre? C'est un livre que François Truffaut m'a indiqué depuis plusieurs années, il le connaît bien. Il a fait la préface de l'édition américaine, qui n'est pas celle qu'on trouve dans l'édition française. Et il y tient beaucoup. Il y tient beaucoup parce que c'est un livre sur Bazin, parce que c'est la première biographie de Bazin et on connaît les liens de tous ordres qui unissaient Bazin à Truffaut. Et d'autre part parce que il trouve ce livre tout à fait passionnant. Donc j'ai été amené à le lire. Je l'ai trouvé moi-même très intéressant. D'autres personnes qui avaient rencontré Dudley Andrew, Takela, qui fait une postface ou une annexe, me l'ont aussi vivement recommandé. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, il a un peu traîné. Il devait paraître peut-être ici ou là. Finalement, c'est une coédition Cahiers Cinémathèque Française qui fait que il a pu être traduit. Mais il s'inscrit pour nous, enfin pour nous au Cahier, pour une fois je vais dire nous avant de dire je, dans un contexte un peu plus global, c'est que Bazin est mort depuis 25 ans et nous tenons absolument à lui rendre hommage cette année. Il est mort en 58, donc nous organisons à Cannes un hommage qui n'est ni un colloque ni une discussion autour de ses apports, sa leçon, etc., qui est tout simplement la projection de 4 films. Et puis nous publions ce livre. Ces 4 films seront. Alors les 4 films seront. Alors les critères qui ont conduit au choix de ces 4 films sont multiples, bien sûr, comme toujours. Il s'agit à la fois de films que Bazin aimait. D'autre part, il fallait qu'il ne soit pas trop vu récemment, un peu partout. Donc il s'agit du Fleuve de Jean Renoir. Il s'agit de Fioretti de Saint-François d'Assise de Rossellini. Le troisième film, c'est Monsieur Verdoux, par excellence et par définition de Chaplin. Et le quatrième, c'est un film qu'il avait beaucoup aimé, qui est un peu marginal par rapport à, disons, ses grandes options, mais il était capable de voir aussi ce qui était nouveau et qui est un des textes de la fin de sa vie. C'est Le Gaucher d'Arthur Penn. Ah oui, parce que c'est extraordinaire, parce que Arthur Penn est un homme de théâtre qui fait un film pour la première fois à Hollywood, qui est un western avec Paul Newman. À l'époque, Newman n'est pas vraiment encore Paul Newman d'aujourd'hui. Enfin, pas encore. Et les gens voient le film tel qu'il l'a tourné. Les gens de la production, je ne sais plus quelle était la société, les gens du studio, se mettent dans des colères absolument monstrueuses contre ce qui leur apparaît comme absolument indigne de leur compagnie, sacrifient complètement le film, le recoupent, arrachent le film au montage à Arthur Penn. Et le film sort aux États-Unis, il n'a aucun succès critique, rien. Et un jour, Arthur Penn a vu arriver de Paris une petite critique qui était signée André Bazin, dans laquelle il disait simplement, je me rappelle exactement le texte, il n'y a plus d'invention dans 5 minutes du Gaucher que dans 3 films américains de festival. Oui, oui. Et Arthur Penn a senti brusquement que quelqu'un avait, à des milliers de kilomètres de là, avait enfin vu son film. Son premier film, en plus, c'est une histoire absolue. Oui, ça, je trouve ça très, très, très bien de passer Le Gaucher. Oui, oui. Et puis, un autre film qui est du côté de la côte, d'Agnès Varda, qui est dédié à André Bazin. Agnès Varda m'a un peu expliqué à quel point Bazin, Janine, André l'avaient aidé. Et Bazin a écrit, pas sur du côté de la côte, mais quelques jours avant sa mort, parce que j'aimerais qu'on parle de la force de cette personne qui a été malade quasiment toute sa vie, de la force de travail et puis de la force vitale d'André Bazin, dans un article qui peut-être a été écrit, je crois, 15 jours avant sa mort, a dit du bien de La Pointe Courte. Un très très bel article, très court, de journaliste, pas d'essayiste, pas de théoricien, parce qu'il était un journaliste aussi, et qui est très beau. Donc voilà pour l'hommage. Et puis nous publions à la fin du mois un autre livre, que j'ai intitulé, parce que le titre évidemment n'est pas de Bazin, qui est un recueil d'articles de lui, sur le versant journalistique aussi, qui s'appelle « Le cinéma français de la libération à la nouvelle vague ». C'est très bien de pouvoir avoir aussi d'autres écrits de Bazin réédités, parce que, de toute évidence, de lire le livre d'Andrew donne envie de lire du Bazin, parce qu'il le cite, mais évidemment pas assez. Alors, pour donner une idée, alors est-ce que vous êtes d'accord, Caroline, pour qu'on donne tout de suite une idée de ce que pouvait être le style d'André Bazin, c'est-à-dire, parce que je crois que pour comprendre pourquoi nous sommes tellement ardents à l'idée de faire cette émission, c'est parce qu'il faut quand même donner une idée, je crois. Il y a juste une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Oui. Quelque chose qui m'a frappé dans l'émission d'Apostrophe, à laquelle François Truffaut a participé. Il a dit cette petite phrase très simple à propos de Bazin. Je n'avais jamais su et je n'avais jamais pensé qu'André Bazin, dans sa jeunesse, avait eu besoin d'avoir recours à un psychiatre. J'ai vu là, enfin ça m'a éclairé, je n'avais pas encore lu le livre, je l'ai lu après, c'est une chose que j'ai donc appris dans le livre, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui se retrouve à deux fois dans la vie de Bazin, une espèce de d'isolement et de perdition dans lequel il a envie de retrouver des points de repère, et Et ce qui m'a redonné une extrême confiance, à la fois en moi et à la fois dans les gens qui parlent réellement du cinéma, le mot réellement est important, c'est que je crois que tout le travail de Bazin a été de se connaître lui-même à travers le cinéma. Et donc, et l'inverse est vrai, de connaître le cinéma à partir de lui. Ce que tous les grands metteurs en scène dont il a éperdument défendu le travail sont des metteurs en scène qui ont défendu le cinéma à partir d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'à partir d'eux-mêmes en tant que personne physique, mais à partir d'eux-mêmes en tant que personne spirituelle, affective et mentale. Et que la chose la plus importante chez Bazin, le style vient, et non pas en robe, mais il est la forme de tout cela, c'est cette force humaine qui fait qu'il ne fait pas le détour de lui-même par rapport au cinéma. Ce n'est pas un pur technicien, ce n'est pas un pur journaliste, ce n'est pas un pur... C'est un pur humain qui met toutes ses qualités humaines dans des domaines différents qui sont la technique, le style. Pour prouver ce que vous dites, justement, ça me ramène à ma première idée, c'est-à-dire, vous dites se connaître et donc se reconnaître lui-même à travers ce qu'il faisait, de toute évidence, et en même temps, ce don fantastique qu'il avait de faire connaissance, aussi bien avec Roger Lénard qu'avec Louis Buñuel, qui est à des années-lumière, qu'avec Orson Welles, qu'avec Jean Cocteau. Alors moi, je voudrais simplement relire, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute le jour où nous avons parlé de Buñuel avec Jean-Claude Carrière, je voudrais relire ce qui n'était que la préface à un très long entretien que Buñuel et Bazin avaient eu. Et voilà, c'est passé au Festival de Cannes. Pour vous donner une idée du style, à tout point de vue, d'André Bazin. Alors voilà, je cite. « Nous avons fait connaissance de Louis Buñuel, avec qui nous étions en correspondance depuis longtemps, au dernier Festival de Cannes. Durant cette manifestation, quelques feuilles, momentanément locales, s'obstinaient quotidiennement à parler de son masque cruel, et répétait sans se lasser que son mot favori était l'adjectif féroce. Rien ne saurait être plus loin de la vérité. Massif, légèrement voûté, Buñuel a quelque chose du taureau soudain ébloui par les lumières de l'arène. Sa légère surdité ajoute à l'impression de solitude inquiète que donne son personnage. Mais légère est la barrière à franchir pour trouver l'homme. Doux, calme, tendre, réservé, incapable constitutionnellement de la moindre concession, de la moindre hypocrisie. Au demeurant, l'entretien qui suit est son meilleur portrait. Deux choses le définissent bien, autant que l'on puisse définir cet Espagnol secret, farouche et pudique, son regard lumineux d'entomologiste et la formule qu'il a quelque part dans cet entretien à propos de Robinson et de Vendredi, il se retrouve fiers comme des hommes. Alors, ce qu'on peut dire à partir de ce texte sur Buñuel, c'est qu'en même temps, c'est l'autoportrait d'André Bazin. C'est-à-dire que reconnaître quelqu'un, c'est tout à fait l'illustration de ce que vous dites, Caroline, c'est que finalement, on ne pénètre bien autrui que si soi-même, si le tour a été fait avec exigence, voilà. C'est assez intéressant Jean parce Arboni. Que Takella, par exemple, explique, je crois, dans la postface au livre, et il me l'a dit souvent de vive voix, Bazin, pendant très longtemps, a hésité à rencontrer les gens dont il admirait les films. Il hésitait à faire des entretiens, il hésitait à être mis en présence de gens comme Welles, Rossellini, Renoir, etc. Et il s'y est fait tardivement. Bon, il y a quelque chose de très, très impressionnant là, dans cette éthique de l'écriture. Il avait peur d'être influencé dans un sens ou dans l'autre. Ce que je trouve assez extraordinaire quand il parle des gens, avant de parler des films, c'est qu'il évite deux pièges, à mon avis, qui sont très courants aujourd'hui, dans d'innombrables écrits qui paraissent, qui sont, un, une sorte d'obscénité du familier, ou bien la distance du savant. Bon, le familier, on sait, je l'ai rencontré, je l'ai vu, il m'a dit que, on ne se connaît, on a dîné là, etc. Bon, il y a une sorte de dégoulinade ou dégoulinage comme ça dans pas mal d'écrits aujourd'hui. Une certaine façon aussi de prendre la mesure des gens avec ce qui fait très chic et très mode, c'est-à-dire avec détachement. Absolument. Ouais. Ou bien le recul du savant, il est comme si, etc. Et Bazin a trouvé une sorte de distance juste qui était, à partir du moment où il a rencontré les gens qu'il admirait, qui évitait ces doubles pièges, comme ça, de la proximité, de l'intimité un peu gluante, quelquefois, ou bien du regard froid, non dû, pas savoir, j'ai compris, je l'analyse, etc. Et les portraits qu'il a dessinés sont de grands morceaux d'écriture, comme tous les articles de Bazin, on en reparlera, c'est un très grand écrivain, et Truffaut a raison de dire, je parle plutôt de lui comme un écrivain de cinéma, que comme d'un critique de cinéma. Et il était aussi un critique de cinéma très grand. On pourrait donner un exemple précis de ce que tu, décris et qui est le texte sur Lennart. Oui, j'y pensais. Qui, est, qui s'intitule « Le style, c'est l'homme même ». Et c'est une situation dans laquelle aujourd'hui, nous tous, et à vrai dire, quand je dis nous tous, c'est surtout vous, critiques de cinéma, vous vous retrouvez souvent, c'est-à-dire d'avoir parfois eu l'intimité de jeunes cinéastes qui commencent à faire leurs armes, dont les premières armes sont soit attendues, soit redoutées. Soit... Et il y a dans cet article de Bazin sur Lennart, oui, une justesse, une sévérité et à la fois une affection que je dois dire, jamais vu dans aucun article de cinéma qui peuvent traiter du film d'un ami. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il faut préciser, avant que vous lisiez le texte sur Lennart, et bien sûr il faut le lire, que Lennart a joué un rôle éminent dans la formation de Bazin. C'est-à-dire que Lennart est l'aîné, d'une certaine façon, de Bazin, de quelques années. Lennart est l'homme qui, dans les années 30, a été un des rares à parler du cinéma sérieusement. Encore qu'il faille nuancer là-dessus. Enfin, Dans la revue Esprit. Oui, dans la revue Esprit, la petite école du spectateur, il n'était pas le seul. Enfin, il y avait Lennart et Malraux qui ont commencé à parler du cinéma d'une certaine façon. Et André Bazin a pris le relais. Et Lennart est le premier à avoir formulé l'idée du réel. Hein, c'est-à-dire cette espèce de culte du réel qui a été finalement, qui est encore vrai chez Dans Pauline à la plage. Hein, s'il y a un lien de Lennart à Pauline à la plage, enfin des années 30 donc à aujourd'hui, c'est bien la façon dont Bazin parlait de cette robe sans couture de la réalité. Hein, c'est Et Renoir, bien entendu, puisque c'est Renoir court, évidemment, tout est bien. Bon, allez-y. Alors, je fais un petit montage de cet article qui est très long, parce que dans la biographie que Narboni édite au Cahier du cinéma, il y a une toute petite phrase que répétait Bazin qui était « Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire court ». C'est-à-dire que ces articles sont souvent des fleuves, je dois dire, et qui se lisent absolument comme des romans. Alors, il part de Lennart. Nous le vîmes, 10 ans durant, tourner autour du cinéma, feindre de l'oublier, parfois le mépriser, et le rattraper d'un mot au détour nonchalant de quelqu'une de ces admirables conversations où Lennart joue des idées comme le chat de la souris. D'aucuns se demandaient aussi si Lennart pourrait jamais aborder le grand film, s'attaquer à l'œuvre majeure que la forme de son intelligence semblait peut-être vouée d'avance à l'échec. Avec Lennart, on eût même été tenté de trouver dommage que cette source d'idées vives se compromît à la réalisation. Je soupçonne du reste Lennart de s'être décidé à accepter la proposition de son ami et producteur Pierre Guérin, dans la mesure où réaliser un film est encore une manière de poser une idée, celle de la création, de façon à peine moins intellectuelle que l'aventure du Cédrat au cœur de la Méditerranée. Alors l'aventure du Cédrat, c'est la culture qu'avait menée Roger Lennart. Roger Lennart avait décidé un jour, c'était un personnage extraordinaire, qu'il était né pour cultiver le Cédrat et pour en vivre. Si je m'attarde ainsi à la personnalité de Roger Lennart avant de parler des dernières vacances, le film dont il est question, c'est qu'elle me paraît en quelque sens plus importante que le film. D'abord parce que l'essentiel de Lennart passera toujours dans sa conversation et que son œuvre, si importante soit-elle, n'en sera jamais qu'un sous-produit. Ses chefs-d'œuvre, Roger Lennart nous les a peut-être donnés sous une forme mineure dans les commentaires des courts-métrages qu'il a réalisés ou produits. Et là, pour moi, c'est très très important. Le mineur est un concept philosophiquement très très répandu en ce moment. On sait pourquoi et par qui. Et je trouve ça formidable que... Attendez, moi, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, Caroline, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, allez-y, expliquez-vous. Mais est-ce que vous savez par qui? Par Gilles Deleuze. Oui, et par d'autres. Barthes aussi, d'une certaine manière. Oui, le mineur avec maintenant les mouvements politiques, je pense que c'est les minorités politiques qui ont mis ça au devant de la scène politique et philosophique, c'est que tout ce qui est mouvement mineur est porteur d'une force philosophique ou morale dans lequel les philosophes, je pourrais dire assez vulgairement, ils trouvent leur compte. Bon, maintenant j'ai compris. Tu es d'accord, Jean? Oui, oui. Mais quand il continue... Non, mais continue. Et donc, oui, ce que je trouve important, c'est que Bazin, mais des années avant que la philosophie puisse s'intéresser à ce qu'est un mouvement politique mineur ou ce qu'est... mettre déjà le point sur le fait qu'un cinéaste n'est pas simplement une machine technique. Et avant tout, bon, et ça, il le fait merveilleusement quand il parle de Chaplin et quand il parle de Renoir, surtout quand il parle de Renoir, de mon point de vue, c'est que le cinéaste n'est en aucun cas avant tout une machine technique. C'est d'abord un être humain. Et dire de Lénard que son film, que vous avez passé au Ciné-Club et qui, de mon point de vue, est un film pas admirable, mais vraiment ce qu'on peut appeler un petit chef-d'œuvre, n'est qu'un sous-produit de sa conversation. C'est à la fois d'une lucidité totalement effrayante, mais d'une faculté de relativiser ce que peut être le travail d'un cinéaste, que je trouve, mais des années avant que la philosophie s'empare de ce thème-là, tout à fait étonnant. À l'appui de ce que vous dites, il y a cette phrase qui me revient, parce que c'est vrai que c'est dire à quel point Bazin compte, puisque je m'aperçois que je connais les phrases par cœur. C'est-à-dire que, par exemple, vraiment à l'appui de ce que vous dites, il y a cette phrase sur Renoir, dans l'admirable article qui s'intitule « Le Renoir français », c'est « D'où vient que sa mise en scène soit si souvent une caresse ?» En tout cas, un regard. C'est prodigieux, parce que j'avais oublié en tout cas un regard. C'est à quel point c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de l'ordre du tactile ou du visuel le plus simple. Enfin, le plus... Et il dit aussi, il formule très très bien ça quand il dit « Lénard, je continue l'article, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Lénard, avant tout, est un homme de parole. Elle seule est assez mobile, assez souple, assez intime pour absorber et traduire, sans dégradation d'énergie appréciable, la dialectique de Roger Lénard, en conserver la vibration dans cette diction sans ombre où la clarté tremble avec passion. » Ah oui, ça c'est sublime. Parce qu'en même temps, quand on connaît un peu Roger Lénard, c'est absolument exact. En une phrase, c'est son portrait. La clarté tremble avec passion. Enfin, c'est vraiment une formule extraordinaire. Je reviens à ce que disait Caroline tout à l'heure sur ce trouble chez Bazin. Bon, ce qui m'a frappé en relisant beaucoup de ses textes, puisque j'ai été conduit à les relire récemment et que j'en étais vraiment ébloui, y compris... du point de vue de la modernité, pas seulement comme un monument archéologique qui n'a jamais voulu être et qu'il n'est pas, c'est une dimension de tremblement ou de vibration, là, comme c'est dit dans le texte, qui peut-être est passée un peu inaperçue. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que Bazin, bon, c'était le culte du réel, c'était Rossellini, c'était le miracle de la grâce, la robe sans couture de la réalité, etc., etc., et qu'il y avait une dimension pacifiée, chrétienne, extatique, presque franciscaine au sens Saint-François du monde. Et puis, à relire ces textes, je m'aperçois qu'en fin de compte, c'était quelqu'un dont les textes étaient tout le temps à la fois extrêmement inquiet, ambigu, équivoque, à la limite de la morbidité, quelquefois. Et dans cette fameuse robe sans couture, enfin, ce qui l'intéresse, c'est le moment où quelque chose va la déchirer. Et ces articles sont innombrables, où ce qui lui fait crier au chef-d'œuvre devant tel ou tel film, c'est le moment où ce voile de Véronique, il emploie des métaphores de ce type, le Saint-Suaire de Turin, etc., est fendu et déchiré, etc. Et il y a une dimension... attentive à ce qui vient troubler les choses, ce qui vient rendre impur une chose pure, puisqu'il a écrit un texte qui s'appelle « Pour un cinéma impur », que ce soit la mort, que ce soit la pointe d'érotisme, que ce soit le visage de Chaplin apparaissant sous Charlot à la fin du Dictateur. Enfin, il y a d'innombrables textes où quelque chose de l'ordre analytique presque, mais en tout cas de l'altération des choses du monde, vient rompre beaucoup l'idée, à mon avis, trop pieuse qu'on a d'un Bazin pieux. C'était quelqu'un, et ses textes le montrent, beaucoup moins tranquille qu'on ne pense. Son écriture l'est absolument pas, elle est vibrante et frémissante. Et ce qui l'intéressait dans les films, c'est le moment où, je crois qu'il l'écrit à propos de Bresson et des sons chez Bresson, il dit « Ils sont là comme des corps étrangers, comme un grain de sable qui vient gripper la machine ». Ou comme une poussière de diamant qui vient rayer la transparence de l'image. C'est-à-dire que dans ce réel auquel on l'a un peu trop identifié via Rossellini, etc., ce qui l'intéresse, c'est quand il y a un spasme. Enfin, et ça, c'est une dimension, je crois, de tourment de Bazin qui qui n'a pas été beaucoup repéré. À cet égard, la réflexion de Truffaut, je ne savais pas qu'il avait eu besoin de consulter un psychiatre. Et heureusement, le travail de Dudley Andrews, dont on parle assez peu malheureusement, dont on va, j'espère, maintenant parler, qui fait apparaître, alors, ce qui est le plus étonnant, parce que la suite, on la connaît, à partir du moment où on a été un abonné du cahier Couverture Jaune et du France Observateur des années 50, on sait qui est André Bazin. Mais c'est avant, c'est-à-dire le Bazin des années d'avant. Des années de la guerre. Oui, j'aimerais juste dire que je trouve ça, pour moi, qui ne connais ni la guerre, ni peut-être même l'idée de la guerre, l'idée que la cinéphilie de quelqu'un, la cinéphilie d'André Bazin, s'est entièrement constituée en période de guerre, et qui plus est en période d'occupation, et que cet homme, très jeune à l'époque, trouvait le moyen de passer des films de langue, de passer des films de cinéastes allemands, c'est René qui lui a fait connaître l'expressionnisme allemand. En pleine occupation, rue Soufflot, sur des copies 16 mm, j'ai trouvé que la... 9,5, même pas 16, c'est des toutes petites, du pâté babi, oui. J'ai trouvé qu'il y avait une double résistance dans cette volonté cinéphilique. Il y avait d'abord la résistance à la guerre, au simple fait de au manichéisme, les Allemands, les Français, etc. Et qui avait aussi la résistance de la cinéphilie qui se constituait parce qu'elle n'existait pas à l'époque, de la volonté de lecture, de la volonté de voir dans les films un langage, de la volonté de... Bon, on emploie maintenant des mots plutôt compliqués qui sont sémiologie. Et je trouve que ce n'est absolument pas un hasard par rapport à ce que tu dis si le ferment le plus solide d'André Bazin, qui reste que ça a été le ou un des plus grands critiques de cinéma, tout ça s'est constitué à une période épouvantablement tourmentée de l'histoire de la France, dans des situations géographiques et historiques qui sont inimaginables de résistance. Et la suite également, puisque ce qui s'est passé dans les années 50 a été du même type au début des années 50. Moi, ça me fait penser. Là, il y a cette phrase de Rossellini. Là, maintenant, on est dans les proverbes presque. Après, quand il a vu, je crois, c'était Un roi à New York de Chaplin, et qu'il a dit, c'est le film d'un homme libre. Moi, en relisant Bazin, que je n'ai jamais connu, j'ai l'impression d'un homme libre totalement. Et il a passé sous l'occupation, alors que ses opinions politiques étaient connues, des films allemands. Et puis en 50, enfin des films de langue, pas des films nazis, bien évidemment. Il a été chassé par le nazisme. Absolument. Mais à l'époque, les gens ne faisaient pas le tri, hein, disons. Et puis en 50, et ça je l'ai appris dans le livre, il a déchaîné les foudres de la presse communiste, Lettres françaises, Humanité, etc., à propos de cet article magistral, magnifique, de drôlerie et de pertinence politique sur le mythe de Staline dans le cinéma soviétique, c'est-à-dire une sorte d'analyse férocement drôle de l'idéalisation cinématographique des stars politiques, en l'occurrence étant Staline. Et là également, il a été seul, ou presque seul, enfin avec un groupe d'amis, et il a été au feu en 50, c'est-à-dire... Là, tu parles d'Ivan le Terrible ? Je parle de ce fameux, de ce texte de Bazin qui s'appelle Le mythe de Staline dans le cinéma soviétique, qu'on republie d'ailleurs, qui n'a pas été repris dans l'édition en un volume de Qu'est-ce que le cinéma, et qui est toujours d'actualité, même si les objets sont passés, oubliés, disparus, censurés, qui sont les films staliniens, enfin où on voit la figure de la star politique. C'était à l'époque Staline, ça aurait pu être au moment où les cahiers du cinéma avaient opté pour telle ou telle politique, le mausolée de Mao Tse-Tung également, et où Bazin fait un article féroce sur la transcendance historique dans les films et sur l'idéalisation de la star politique du moment. Ça provoque dans le réel des foudres et un débat politique intense dont j'ignorais la dimension avant d'avoir lu le livre de Bazin, avec Bazin traité d'agent de la bourgeoisie, de quelqu'un qui choisissait la guerre froide au moment où il fallait choisir entre l'Union soviétique et l'Amérique, etc., etc. Dans lequel les cinéastes communistes comme Grémillon, Daquin, etc. Non, attention, c'est quand même... Moi, j'ai connu cette époque-là pour l'avoir vécu dans mon adolescence, et je vous assure que dans les années de l'après-guerre, il y a eu une espèce de prodigieux... on nous a quasiment contraints au choix. On était quasiment contraints au choix. C'est très sensible dans un film de Kayat qui s'intitule Avant le déluge, où on voit des gosses dans une cour de récréation et dire moi je choisis les Russes, moi je choisis les Américains. C'était dans une perspective, c'est pour ça que c'est beaucoup plus fort que l'épisode maoïste, c'était dans une perspective de Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire, la Troisième Guerre mondiale avait d'une certaine façon commencé. Et c'était le camp de la paix ou le camp de la guerre. C'est ça, et le camp de la paix. Et le camp de la paix, c'était le camarade Joseph Staline, qui était devenu, dans l'esprit des staliniens, il ne faut pas traiter n'importe qui de stalinien aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens étaient devenus carrément délirants. La seule chose commune avec votre petite période maoïste, c'est le délire. Et le fait que Bazin ait conservé son calme, ne serait-ce que son calme... Et son humour. Et son humour. C'est ça le trait de liberté d'esprit gigantesque. Mais ça éclaire d'un autre côté la dissidence parisienne d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il avait très très bien vu alors les formes de... Bon, les formes cinématographiques et je dirais, littéraires que pouvait prendre le terrorisme politique. Absolument. Absolument, mais son article, et là-dessus, il y a un autre article très peu connu qui s'appelle « De la crise du cinéma où la forme et le fond », et où à l'époque, bon, une tendance de l'écran français attaquer un certain nombre de cinéastes pour formalisme, au nom du réalisme, et Bazin répond. Et il y a une dimension, bien que lui soit toujours défendu de faire de la politique dans ses articles, il y a une dimension politique mythologique, au sens Roland Barthes du terme. J'étais très frappé en relisant de voir à quel point, souvent dans les mêmes supports à l'époque, le France Observateur, etc., et au même moment, et souvent même avant Barthes, avant les fameux articles de démystification ou de démythification de Barthes, Bazin avait cette dimension. Le quatrième volume, ou le troisième de Qu'est-ce que le cinéma, première édition, s'intitule À tort, cinéma et sociologie. Il devrait s'appeler Cinéma et mythologie. Il a fait les plus grandes mythologies qui soient sur Chaplin, sur Staline, sur Brigitte Bardot, sur Martine Carole, sur les films ethnographiques, etc. Et sur ce plan, il a toujours eu une position de dissidence, oui, enfin, ou d'écart. Cette liberté d'esprit dont tu parles, Jean Narboni, alors évidemment, elle nous parle à nous aujourd'hui d'une manière très évidente, parce que c'est très exactement en quête de cette liberté d'esprit que nous sommes. Mais pour parler d'André Bazin encore plus précisément, on pourrait dire qu'il a une liberté d'esprit vis-à-vis de Staline et vis-à-vis de l'idéologie communiste de l'époque strictement appliquée au cinématographe, donc défense du cinématographe contre l'idéologie marxiste, ce qui après tout va de soi d'une certaine façon. Mais il a été libre aussi par rapport à des convictions très, très profondes, très anciennes, par rapport à ses propres racines chrétiennes. C'est très évident quand on lit le livre de Dudley Andrew, et d'une manière très, très, très belle. Enfin, c'est très net. C'est très net. Il y a eu une double liberté qui s'est exercée. J'ai eu accès à des lettres d'André Bazin adressées à son ami Guy Léger. Qui est un dominicain tout à fait remarquable. Qui est un dominicain. Et qui marque très nettement la prise de distance de Bazin, de formation chrétienne, etc., par rapport aux tendances collaborationnistes, péténistes, antisémites, d'une large fraction de l'Église sous la Résistance. Et n'oublions pas que Daniel Rops, qui a eu une influence, j'apprends tout ça dans le livre, sur Bazin pendant un moment, Bazin a rompu officiellement avec lui, à propos des questions de la guerre, de l'occupation, de la résistance, etc. Donc il y a une double liberté, s'est exercée à la fois à l'égard des tendances, idéalisatrices, marxistes, etc., et également des fractions les plus réactionnaires de l'Église pendant l'occupation et après. Bon, alors là, je voudrais te poser une question, Jean Narboni, parce que là, vraiment, je crois vraiment que tu es la personne à qui il faut la poser. C'est est-ce que le cinéma lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que l'intérêt pour le cinéma lui-même, ne développe pas... En tout cas, c'est très très sensible chez les disciples, enfin, en tout cas, ou les contemporains, parce que Romère est un contemporain de Bazin, beaucoup plus qu'un disciple. En tout cas, chez un disciple comme humain, comme Truffaut, est-ce que le cinéma ne développe pas par lui-même, étant l'art de, je dis pas du réel, mais enfin, en tout cas, l'art de toutes les virtualités possibles, de toutes les ambiguïtés possibles, de toutes les richesses possibles, de toutes les significations possibles, dans le même instant ou dans le même lieu? Est-ce que le cinéma lui-même n'est pas, par sa nature, anti-idéologique, enfin, ou anti-dogmatique en tout cas? Je ne dis pas anti-idéologique, anti-dogmatique. Peut-être pas seulement le cinéma, mais enfin, disons, le processus artistique en général. Dans le cas qui nous concerne, le cinéma sûrement. Bon, si Bazin a tellement insisté à propos de Citizen Kane ou de Païsa sur l'équivoque, l'ambiguïté, la liberté, bon, des choses qu'il héritait de Sartre d'ailleurs, qui a été aussi un de ses maîtres, l'imaginaire de Sartre, un livre qui a beaucoup compté pour lui, livre auquel d'ailleurs La Chambre claire de Roland Barthes est dédié. C'est pour ça, il ne pouvait pas supporter que quelque chose soit figé, qu'il y ait des images pieuses. Bazin détestait des images pieuses, on pourrait dire. Que ces images pieuses soient celles, comme ça, de personnages typifiés, stéréotypés, codés hollywoodiennes. Il a toujours une sorte de réticence à l'égard d'Hollywood, y compris les grandes machineries de studio avec leur codification, même s'il admirait. Il a détesté les images pieuses du style mausolée de Staline. Il a détesté les images pieuses religieuses. Et il a toujours aimé ce qui était équivoque, ambigu, c'est-à-dire vivant. Donc, on retrouve alors là toujours, et toujours, Renoir. Enfin, Renoir. Oui, bien sûr. Toujours Renoir. Et le mot d'ordre, chacun a ses raisons, qui n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un manifeste de l'éclectisme ou du côté, ou des indulgences, pour parler en termes religieux encore, qui est au contraire un mot d'ordre extrêmement positif et violent. Tout le monde a ses raisons. C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, cette liberté d'esprit est une liberté d'esprit qui est une sorte de travail. D'exigence de l'esprit refusant c'est là que ça redevient politique et morale au sens le plus fort, c'est-à-dire qu'en réalité Bazin nous invite à nous remettre au travail Et Renoir, la théorie du bouchon sur l'eau de Renoir dont tu as parlé des mille fois ici, dont vous avez parlé ici, m'en comprend pour un manifeste de l'opportunisme, est un manifeste de la liberté. Il est le refus de se laisser saisir, enfin non vouloir se laisser saisir, et c'est en même temps pas du tout suivre le courant, c'est aussi le contrecarré, naviguer, flotter, mais c'est pas du tout un manifeste opportuniste, c'est un manifeste d'échappement. C'est un refus de se lécher échouer sur les rives comme un branchage mort. Oui. C'est ça, c'est-à-dire. J'ai une citation de Bazin. Allez-y, Caroline. La seule chose que j'aimerais dire comme en exergue, c'est que je trouve que chez Bazin était quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui avant d'écrire a pris le temps de lire énormément, d'être, ça je l'ai dit au début, tu l'as redit, d'être pas mal torturé spirituellement et littérairement aussi. Il cherchait vraiment beaucoup, il lisait Sartre, il lisait Teilhard de Chardin, il allait de l'un à l'autre, il revenait. Tu dis qu'il a été très influencé par Sartre, c'est certain, il a un vocabulaire assez souvent sartrien. Mais ce que je trouve fondamental pour les critiques aujourd'hui, ce que vous venez de dire Claude, dans le sens remettons-nous au travail, c'est qu'il n'est jamais dominé par les concepts qu'il utilise. Il a un sens de l'intégration, il les accepte, il les ingurgite, et quand il les écrit, ça fait partie de sa pensée. C'est pas du tout des choses auxquelles il se raccrocherait de façon simiesque comme je crois que tu comprends assez bien. Oui, parce que finalement ce critique, donc on a toujours pensé que c'était un cinéaste de la transcendance presque. Tu dis un cinéaste, tu as raison. un théoricien. En fin de compte, ce qui l'intéresse au contraire, c'est l'immanence. Bon, quand il écrit, on a l'impression de découvrir les choses en même temps que lui, ce qui est un effet de son écriture et de sa pensée. Quand il parle d'un objet, il ne parle pas sur cet objet, ou bien dedans de cet objet, ou au-delà de cet objet, comme un analyste sauvage. Il parle avec, ou il parle cet objet, tout simplement, qui peut être un cinéaste ou un film. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Cette pédagogie basinienne, parce qu'il y avait aussi chez lui quelque chose d'instituteur. Enfin, il est animateur culturel, les fiches du jour se lèvent, dans les usines, la présentation de films, travail et culture, etc. Il a réussi à la négocier dans le contraire du discours universitaire, mais en quelque chose d'absolument vivant et qui est à même les choses. Ce qui fait qu'on n'est jamais sûr au-dessus ou au-dedans ou au-delà. On est avec les films, on est avec les gens. Caroline ? Alors je lis cette, allez-y. Cette définition de Bazin de l'image cinématographique. Jusqu'à l'apparition du cinéma, les arts plastiques, surtout dans le portrait, étaient les seuls intermédiaires possibles entre la présence concrète et l'absence. La justification en était la ressemblance qui excite l'imagination et aide la mémoire. Mais la photographie est tout autre chose. Non point l'image d'un objet ou d'un être, mais bien plus exactement sa trace. Sa genèse automatique la distingue radicalement des autres techniques de reproduction. La photographie procède, par l'intermédiaire de l'objectif, à une véritable prise d'empreinte lumineuse, à un moulage. Comme tel, il emporte avec lui plus que la ressemblance, une sorte d'identité. Le cinéma réalise l'étrange paradoxe de se mouler sur le temps de l'objet et de prendre par surcroît l'empreinte de sa durée. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une autre influence qui était un peu connue, mais que le livre de Delandreau m'a précisé, amplifié, c'est celle de Bergson. Bon, on sait que les mêmes personnes, à savoir Gilles Deleuze, qui ont un peu promu la notion de littérature mineure, etc., attachent beaucoup d'importance à ce cinéaste méconnu, muséifié, ou même négligé, etc. Non, ce philosophe. Pardon, j'ai dit ce cinéaste encore. Il y a des cinéastes partout. Donc, tout le monde devient cinéaste. Bon, c'est bien. En relisant les textes de Bazin, j'ai été extrêmement frappé par l'importance des notions bergsoniennes manifestes, en particulier celle de durée, mémoire, élan vital, etc. Et de matière. Et de matière, évidemment. Et son article sur Clouzot s'appelait un film bergsonien. Mais finalement, tous les textes de Bazin portent sur une dimension fondamentale qui est celle du temps. Et les critiques qui ont été apportées à Bazin, parce que bon, faut pas non plus le muséifier, le sacraliser lui-même, il s'est trompé, il a sous-estimé Hitchcock, il a surestimé Wyler, il a négligé un peu Guitry. Le problème n'est pas là. Il y a eu des critiques de Bazin, y compris dans les cahiers du cinéma, qui étaient souvent pertinentes sur tel ou tel point, de goût, de thèse. Mais je crois qu'elle s'était toujours posée en termes d'espace, c'est-à-dire, sa vision du réel, mais le réel est codé, l'image n'est pas réaliste, il y a la perspective du Quattrocento, et en fin de compte, on manquait peut-être une dimension qui a été celle qui traverse tous ces textes, qui est la dimension de la durée et du temps. Et moi, j'ai été très frappé, puisque c'est quand même la collection Cahiers Gallimard que j'ai publiée, le dernier livre de Roland Barthes, La Chambre claire, c'est de voir que Barthes, à la fin de sa vie, arriver à ce point. Tous les débats sur l'image, est-ce que c'est codé, est-ce que c'est réaliste, c'est pas la bonne façon. Ce qui est important, c'est que l'image mécanique de la photographie authentifie le temps et que le cinéma anime cette chose, donc redouble, ajoute la durée à la fixation temporelle. Et il me semble que sur ce point, un livre comme La Chambre claire prolonge et confirme les thèses de Bazin sur le cinéma et le temps. Oui, parce que le temps est autant un thème de... Ça s'éprouve, avant de réfléchir, de se dire... Et très évidemment, quelqu'un comme Bazin, je ne l'ai pas connu, je l'ai simplement lu. Enfin, je l'ai rencontré une fois, pas assez pour me faire une idée de qui il était. Très évidemment... Et le plan séquence. Oui, c'est ça. C'est vraiment... L'analyse de la scène de la cuisine dans La splendeur des Amberson, c'est à la façon basinienne le développement de la fameuse phrase de Bergson, il faut que le sucre fonde. C'est ça, j'ai une phrase extraordinaire. Vous me donnez 5 lignes ou 3 lignes? Autant que vous voulez. Ces ombres grises ou sépia, fantomatiques, presque illisibles, ne sont plus les traditionnels portraits de famille. C'est la présence troublante de vies arrêtées dans leur durée, libérées de leur destin, non par les prestiges de l'art, mais par la vertu d'une mécanique impassible. Car la photographie ne crée pas comme l'art de l'éternité, elle embaume le temps, elle le soustrait seulement à sa propre corruption. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la première réaction d'un journaliste d'un journal quelconque qui était d'ailleurs en 5e, 6e page et en entrefilé, à la première projection du cinématographe Lumière, et il a simplement écrit cette phrase que d'ailleurs, dont il n'a absolument pas tiré les conséquences, la mort cessera d'être absolue. C'était l'idée qu'ont toujours eu finalement, chez les plus grands cinéastes français Gans, par exemple, n'a pas beaucoup réfléchi là-dessus, mais c'est quelqu'un qui a absolument... dont les personnages sont toujours en état de résurrection. C'est dans les thèmes de ses films, dans les thèmes de J'accuse, les personnages qui resurgissent des masses. Parce que le cinéma a pour cette vocation de faire revivre les morts. Il y a un texte de Bazin sur un film peu connu, qui est La course de taureaux de Pierre Brandberger, mais qui est un texte d'une portée extraordinaire et qui est là-dessus, qui est l'idée de... Ce qui est terrifiant... entre les séances de 2h, 4h, 6h, celui qu'on a vu mourir réapparaît. Elle dit l'obscénité la plus grande quand il décrit les communistes chinois abattus d'une balle dans la nuque dans un documentaire d'actualité qu'il a vu. Il dit c'est qu'à chacune des séances, bon, comme dans les films où on voit le plongeur remonter quand on passe le film à l'envers sur sa planche... L'obscénité fondamentale du cinéma, c'est ça, c'est-à-dire cette répétition de quelque chose qui est non répétable, à savoir la mort ou l'acte sexuel, puisque Bazin a aussi écrit sur l'érotisme au cinéma. Jean Arboni, moi je voudrais savoir pourquoi, et c'est pas nouveau, la philosophie en France en tout cas, c'est toujours, pourquoi du moins, la vocation d'amateur de films s'est toujours trouvé doublé étrangement d'une vocation de philosophie. Je crois qu'il y a une pensée cinéma, avec un trait d'union entre les deux, qui n'est pas le cinéma à idées, ou le cinéma à thèse, etc. Kayat, on a des idées sur le monde, et puis on les filme, etc. Mais je crois qu'il y a une production, comme ça, d'images pensées, et que tous les théoriciens du cinéma intéressants, et tous les grands cinéastes, même s'ils n'étaient pas des intellectuels, et encore moins des philosophes au sens professionnel du terme, ont tourné autour de ça. Et c'est très curieux parce qu'on me parlait justement d'un cours de Deleuze qui avait été fait récemment où il disait que la question de la philosophie, ce n'était pas du tout la question du vrai et du faux, c'était de la capacité artiste à poser des questions. Je crois qu'à la fois les cinéastes dont on a parlé, Renoir, Dreyer, Buñuel, Rossellini, ou les critiques dont on parle, Epstein, Bazin, sont des gens qui ont passé beaucoup de temps à construire des questions plutôt que de donner des réponses. Et il y a une sorte de capacité artistique. C'est pour ça que Bazin, n'ayant jamais fait de film, peut être considéré comme un artiste. Il y a une capacité inventive à la délimitation de champs, de questions à poser au monde, à l'existence, aux sentiments, etc. Et c'est pas du tout étonnant. Ça n'a rien à voir avec la critique universitaire sur le cinéma. Ça n'a rien à voir avec le cinéma à thèse ou à idée. Ça n'a rien à voir avec le savoir comme corps constitué ou champ constitué. C'est une philosophie artiste ou de l'art philosophique. On a des divergences de temps en temps sur Godard. Je pense que chez Godard, il y a de la pensée cinéma produite, qui n'est pas purement des images, qui n'est pas purement du son. C'est quelque chose qui est de cet ordre. Mais Godard, il est peut-être essentiellement à la recherche de ça. Il est à la recherche du moment où le film pensera par lui-même. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus besoin du commentaire d'aucune façon. Et ce qui est très curieux, c'est que d'ailleurs, des cinéastes expérimentaux, pour pas rester seulement dans le passé, enfin, il y a tout un courant de cinéastes expérimentaux qui d'abord se réfèrent beaucoup au texte de Bergson et à Bergson sur la matière, le mouvement, le cinéma, etc., et qui développent ses positions sur la création d'une perception, d'une pensée cinéma pure. Alors bon, moi je ne suis pas très porté à ça parce que j'aime bien qu'il y ait des personnages, j'aime bien qu'il y ait un semblant d'histoire, etc. Mais beaucoup de gens de cinéma expérimental, en France et aux États-Unis, se sont référés à la fois à ce philosophe et ont développé cette thèse d'une philosophie cinéma ou d'un cinéma philosophie, pas philosophique. J'aimerais ajouter que Bazin ne m'apparaît pas, pour continuer ce que tu dis, Bazin ne m'apparaît pas comme un théoricien de l'impopularité du cinéma. C'est quelqu'un qui voulait et qui voyait dans le futur du cinéma, et c'est des choses qui sont arrivées, un succès populaire incontournable et presque monstrueux. Et je voudrais développer un peu ce que tu dis dans l'idée que le film, ça serait comme une sorte de question à un public philosophique, une philosophie publique, et que dans la réponse d'un public, les réponses sont peut-être des fausses ou des mauvaises réponses, n'en sont peut-être pas, mais il y a dans le fait qu'un film peut marcher ou pas, dans l'étrangeté du fait qu'un film marche ou pas, quelque chose de l'ordre du questionnement, beaucoup plus que de l'ordre de la recette. Et ce que je trouve, encore une grande leçon de Bazin, c'est effectivement ça, cette idée que l'art cinématographique est un questionnement et non pas une industrie qui pourrait produire scientifiquement. Oui, en vous écoutant, je repense au passé, parce que moi j'ai eu la chance d'être à l'IDEC au moment où Bazin écrivait, au moment à la plus grande période des cahiers des couvertures, de la couverture des cahiers jaunes, des cahiers du cinéma. Et en vous écoutant, je me souviens qu'un certain nombre d'élèves, d'étudiants d'IDEC comme moi, et en particulier les marxistes... Comme vous Non, j'étais pas du tout... Enfin, moi, j'étais quand même du côté de Bazin déjà, enfin, du côté de Bazin, Truffaut, très, très, très évidemment. Et ils me reprochaient précisément d'aimer à la fois ce qui leur paraissait complètement burlesque, Buñuel et Dreyer. Ça paraissait idéologiquement absolument incompatible. C'est-à-dire, aimer Buñuel, c'était aimer la Révolution... surréaliste ou pas, c'était aimer la Révolution. Aimer Dreyer, c'était catholin. Au bout du compte, c'était un peu curé sur les bords. Et c'était, j'aurais pu dire Bresson. Et ça paraissait complètement incompatible. En vous écoutant, je m'aperçois que plus pour personne aujourd'hui, de votre génération en tout cas, enfin de la génération de Caroline ou un peu plus âgée que celle de Jean Arbony, La question ne se pose. On peut aimer, évidemment, à la fois Buñuel et Bresson, d'autant qu'on sait que Buñuel n'était pas aussi violemment le foudre de guerre révolutionnaire qu'il apparaissait. Et que les films de Dreyer, pour compléter ce que... sont surréalistes. Sont eux-mêmes des films libertaires, tolérants et révoltés contre les propres dogmes de sa foi. Oui, donc, au fond, Bazin n'a jamais été aussi actuel que parce que, bien évidemment, il pensait déjà avec cette liberté qui paraît naturelle et évidente à la génération d'aujourd'hui. Merci, Jean Narbonny, d'avoir participé une nouvelle fois au cinéma des cinéastes. Alors, il s'agissait, à travers toute cette émission, d'André Bazin, à travers le livre que lui a consacré Dudley Andrew, qui est un livre actuellement en librairie, publié dans la collection Cahiers du cinéma Cinémathèque française, avec une préface de François Truffaut et une annexe de Jean-Charles Takela. Cette émission a été diffusée la première fois le 17 avril 1983 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.